Exercice 8, page 168. A. Il est directeur. Transformer. Elle est directrice. B. Il est formateur. Transformer. Elle est formatrice. C. Il est conducteur. Transformer. Elle est conductrice. D. Il est correcteur. Transformer. Elle est correctrice. E. Il est spectateur. Transformer. Elle est spectatrice. F. Il est traducteur. Transformer. Elle est traductrice.